Je déclare la guerre aux cheveux cassants et aux proues. Je déclare la guerre aux cheveux cassants et aux proues. Je déclare la guerre aux cheveux cassants et aux proues. Je déclare la guerre aux cheveux cassants et aux pointes sèches. L'Oréal invente le shampoing Elstev au Nutri-Céramide. Il repère les endroits où le cheveu est abîmé et comble ses brèches. Même les pointes sont réparées. La preuve, jusqu'à moins 40% de cheveux cassés au brossage. C'est fort, c'est dur, ça brille. Exit les pointes sèches. C'est gagné. Nouveau shampoing Elstev Nutri-Céramide de L'Oréal. L'Oréal, parce que je le vaux bien.